Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Inde tu mi sieta na fitzfitz? A tovi isai la saiqueto. Inde tu mi sieta na fitzfitz? A tovi isai la saiqueto. Prenez. Alive. Alive. Donnez-moi les lunettes. O meu ai e deu sulumaço. O meu ai e deu sulumaço. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Ateu eu ambun le falupi e le pensiliazo. Ateu eu ambun le falupi e le pensiliazo. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Afatiu le copi de alive le yeti. Afatiu le copi de alive le yeti.